soir on écrit sur les murs de la vie. Ce soir c'est Nick la playlist. C'est le J et le R, mandat R sur les murs de la ville comme les Nick la police. Tous sur la même terre mais pas dans le même monde. Pas fait d'études, tout appris par le manque. J'suis comme une arme dans la main de mon monde. C'est moi qui roule vite, c'est pas l'allemande. Toujours en délit, bloqué dans le sas. Plutôt compter des liasses que des likes. Jamais dans le déni, grandi dans le sale. Mais j'sais plus si c'est des langues ou des lianes. Ça veut que tu brilles, mais pas tant que ça. Ça veut que tu brilles, mais pas mieux que. Mon faux pas, un faux pas, et t'es dans le sac. Ça veut que t'es bille, même pas ma queue. Loyauté au nôtre, c'est notre prime. À la fin, la toute fin, qui pleura à la nôtre. C'est temps, si tu veux notre time, mets ton cœur sur la table ou tu paieras la note. C'est tenir la route ou la bande d'arrêt. Tout de suite, maintenant, après c'est trop tard. N'entends pas la roue ni le mandat d'arrêt. Feu vert, feu rouge, tout droit, même devant les motards. On m'a dit, dis pas que t'aimes si jamais tu manques. Relève-toi vite ou reste à terre. Tu sais que c'est dead si jamais tu manques. Je repense à tout ce qu'on m'a dit. En fumette, en buvette dans la côte, toute la nuit. Avec elle, vue sur la mer comme si c'était la Dolce. On m'a dit, tu voyais tout ce qu'on m'a dit. C'est la vie, faut que je fasse mes preuves. La route tourne des fois, elle crève. Frérot, chaque jour est une épreuve. On m'a dit donne tout jusqu'à que tu crèves. Au début, y'avait rien dans les poches. J'oublie pas d'où je viens ni pourquoi cette vie m'écorche. Tout le monde choqué, je suis passé de la Twingo en Porsche. Et ça me jette l'œil, je fais cracher le rapport dans le check et je les fuck. Ouais, je les fuck, j'ai mon rap, ma drogue. La fierté de ma mère, pour elle, je me bats comme un dog. Un dog, pour l'état, un doigt. La tête pleine de soucis, on fait ça comme il se doit. Si un frère tombe, ouais, t'as besoin de quoi. On se connaît pas, mais faut prendre soin de toi. La grade ou le tab, faire un choix, faire en sorte de pouvoir rêver au moins pour un soir. Ah oui, c'est sûr, je vais faire le nécessaire. Faut recoudre mes blessures en restant sincère. Je suis cette dans la chaussure en GSXR. Mais tu l'aimes bien, mais à quoi il te sert. Dans le biche plein, tu sais, ah oui, je suis sûr. Ce que je vois, tu sers, bizarre, bizarre. Mais approche-toi, j'aime bien quand tu me sers. Et arrête de me dire, c'est quand tu me sors. J'avance tout droit, j'suis pas finir dans le cul de sac. Tombe le masque, j'te crame comme un fake. Ici, ça se gère quand il reste un cul de plaque. Et quand le charbon se fait péter, le quartier se brûle sec. On m'a dit, si tu voyais tout ce qu'on m'a dit, c'est la vie. Elle est dure, si tu veux mon habit. C'est la vie, faut que j'fasse mes preuves. La route tourne des fois, elle crève. Frérot, chaque jour est une épreuve. On m'a dit, donne tout jusqu'à que tu crèves. On m'a dit, tu voyais tout ce qu'on m'a dit, c'est la vie. Elle est dure, si tu veux mon avis. C'est la vie, faut que je fasse mes preuves. La route tourne des fois, elle crève. Frérot, chaque jour est une épreuve. On m'a dit donne tout jusqu'à que tu crèves.